بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيسعدني ويسرني أن ألتقي بإخواني في الله تبارك وتعالى لأول مرة في هذه المدينة، ألا وهي مدينة لومون، ونرجو من الله عز وجل أن لا تكون الأخيرة، ويسعدنا أن نلتقي بإخواننا وأن نتدارس وأن نتذاكر الآيات والأحاديث وأن نتفقه في ديننا. Donc je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui et de rencontrer mes frères et mes sœurs aussi de la ville du Mans, afin d'échanger et de discuter, de parler des versets du livre d'Allah et des hadiths de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Et ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est l'envie et le désir d'apprendre notre religion, de connaître cette noble religion qui est l'islam, que malheureusement beaucoup de gens méconnaissent ou qu'ils ne connaissent pas comme il le faut, et ne donnent pas à cette religion le droit qu'elle a, à savoir de l'apprendre, de la connaître et bien sûr de la mettre en pratique. وعنوان هذه الكلمة كما سمعتم هو حول العلم وأهميته في حياة المسلم. فالعلم أيها الإخوة هو أغلى ما تكتسبه النفس، وبهذا العلم تقوى القلوب ويزداد الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وهذا العلم أفضل ما عمرت به الأوقات، وبهذا العلم ينال المسلم الرفعة في هذه الدنيا وفي الآخرة، وبهذا العلم يتبصر المسلم في طريقه إلى الجنة، ويتبصر المسلم وينظر إلى الطريق الموصل إلى جهنم، أعاذنا الله وإياكم منها. وهذا العلم أيضا به يعرف المسلم كيف يعبد ربه، ويعرف حق الله عليه، ألا وهو حق العبودية، أن تعبد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. وهذا العلم مع أهميته له فضائل كثيرة وكثيرة جدا، ذكرها الله عز وجل في كتابه، وذكرها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وذكر أيضا هذه الفضائل سلفنا الصالح الذين هم خير من يقتدى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Le sujet, comme vous l'avez entendu, porte sur la science, sur l'importance de la science en islam. Cette science est le bien le plus précieux qu'une âme peut acquérir. Cette science permet de purifier le cœur du musulman. Cette science permet d'augmenter sa foi. Cette science, ou par cette science, Allah Azza wa Jal élève le musulman dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Cette science, c'est aussi une clairvoyance pour le musulman. À travers cette science, le chemin qui l'emmène au paradis s'illumine. Et par cette science, le chemin qui pourrait l'emmener en enfer est visible. Et ceci lui permet de prendre garde à ne pas l'emprunter. Et également, cette science permet aux musulmans de connaître le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses serviteurs, qui est le droit de l'adoration. C'est grâce à cette science que le musulman sait que c'est Allah et Allah seul, subhanahu wa ta'ala, qui mérite d'être adoré. Personne d'autre que lui, azza wa jal, ne mérite que lui soit voué quelconque adoration, de quelque nature qu'elle soit. Le seul qui mérite qu'on lui dédie exclusivement nos adorations, c'est Allah et Allah seul, subhanahu wa ta'ala. Cette science a donc une importance, mais elle a aussi des mérites qui sont nombreux, des mérites dont nous a informé Allah Azza wa Jalla dans son livre, le prophète alayhi salatu wassalam dans sa sunnah, et également nos pieux prédécesseurs qui sont les exemples à suivre après le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Wal muslimu ayyuha al-ikhwatu wal akhawat بحاجة ماسة إلى هذا العلم، ولما نقول العلم نقصد به العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة. هذا العلم لا يستغني عنه أحد، لا يستغني عنه أحد، بل كما قال الإمام أحمد رحمه الله: الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب. فالناس بحاجة إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين، أما إلى العلم الشرعي فهم بحاجة إليه بعدد أنفاسهم، بعدد أنفاسهم، لأن هذا العلم تحتاج إليه دائما وأبدا، سواء كنت في هذه الدنيا وحتى عند قبرك وحتى بعد بعثك، فإن هذا العلم سينفعك بإذن الله تبارك وتعالى. Et cette science, personne ne peut s'en priver, personne ne peut s'en passer. Cette science est d'une importance immense, au point que l'imam Ahmed rahimahullah a dit que les gens ont besoin de cette science plus qu'ils n'ont besoin de boire et de manger. Car les gens ont besoin de boire et de manger une à deux fois par jour. Quant à la science, ils en ont besoin à chacune de leurs respirations, ou pendant chacune de leurs respirations. وَلَقَدْ أَحْسَنَ الْإِمَامُ ابْنُ الْقَيِّمِ رَحِمَهُ اللَّهِ حَيْتُ ذَكَرَ فِي نُنِيَّتِهِ هذه الأبيات، يقول رحمه الله: والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. والعلم أقسام ثلاثة ما لها من رابع والحق ذو تبيان، علم أو علم بأوصاف الإله وأفعاله، وكذلك الأسماء للرحمن، الأمر والنهي والذي هو دينه، وجزاؤه يوم المعاد الثاني، والكل في القرآن والسنن التي جاء عن المبعوث بالفرقان. الإمام ابن القيم رحمه الله a décrit cette science et son importance dans des vers de sa célèbre Nouniya. Il dit, selon le sens bien sûr, que l'ignorance est une maladie mortelle. L'ignorance est une maladie mortelle. L'ignorance peut amener à tuer des personnes. Et l'histoire parle d'elle-même. Des personnes sont mortes à cause de leur ignorance. Des centaines de personnes, voire des milliers, sont mortes à cause de l'ignorance d'un tel ou d'un tel. L'ignorance est donc une maladie mortelle. Et son remède, quel est-il ? Ce sont deux choses qui se complètent et qui s'encastrent parfaitement. Nassun min al-Qur'an ou min sunnatin. Un verset du Coran ou alors un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà le remède. Puis il dit rahimahullah, وطبيب ذلك العالم الرباني. La maladie est connue, le remède est connu, mais le médecin ou le médecin lui est inconnu. Et il dit rahimahullah, et le médecin c'est ce savant immense qui éduque les gens. Puis il dit que la science se divise en trois catégories, il n'y en a pas quatre. La première de ces parties, c'est la science qui parle d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ses actes, mais également la science qui parle des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il dit, et les interdictions et les obligations qui sont sa religion, c'est-à-dire la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la récompense ou la rétribution qui sera accordé le jour du jugement. Lorsque tu regardes la science islamique, la science du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu verras qu'elle ne sort pas de ces trois catégories. Soit elles ont un rapport avec Allah, sur la description d'Allah azza wa jal, sur ses actes, sur ses noms et attributs, subhanahu wa ta'ala, ou bien tu verras que cette science te parlera d'obligation ou d'interdit, ou bien de la rétribution, de la récompense pour celui qui aura été un musulman sincère et vertueux, et une rétribution, c'est-à-dire un châtiment pour celui qui aura désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ceci est présent dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Lorsque l'on parle donc de la science, de l'importance de la science, des mérites de la science, l'on parle avant tout de la science religieuse, car c'est cette science qui est malheureusement délaissée des musulmans. Les musulmans qui avons été la communauté de la science sont presque devenus à notre époque la communauté de l'ignorance. La communauté musulmane qui auparavant était élevée, respectée, et ceci grâce à la science, eh bien elle est à notre époque dénigrée et humiliée à cause de son ignorance. Wallahu azza wa jal dhakara al-ilma wa fadlah fi kitabihi al-karim fi ayatin 'adidah. وبعد أن علمنا أهمية هذا العلم فلا نستغرب في الآيات التي سنقرأها عليكم، لا نستغرب أن الله عز وجل أول آية أوحاها إلى رسوله صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فالله عز وجل تكلم عن العلم وأمر بالقراءة، وكذلك ذكر الله عز وجل القلم إشارة إلى أن هذا العلم يحصل بالكتابة. Et sache qu'Allah عز وجل, comme je l'ai dit, a cité dans son noble livre les mérites de la science et son importance. On a fait une petite introduction pour montrer l'importance de cette science. Les versets qui vont être cités ne seront donc pas étranges. Et cela n'étonnera pas, comme le fait qu'Allah Azzawajal ait révélé à son prophète sallam le premier verset qui est « Lis, Iqra, lis au nom de ton Seigneur qui t'a créé d'une adhérence. Lis au nom de ton Seigneur le plus digne et le très noble, qui a enseigné par la plume et qui a enseigné à l'être humain ce qu'il ne savait pas. » Allah Azza wa Jalla parle dans ces versets de l'importance de la lecture, de l'importance de la science. Et Allah Azza wa Jalla a cité ces versets en parlant de la plume pour faire ou pour dire que l'écriture aussi a son importance, et que le fait d'écrire est ce qui permet d'accumuler et d'avoir cette science. وليس غريبا أيضا أن يقول الله عز وجل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فالله عز وجل فضل العلم وأهله ورفع منزلتهم وأعلى قدرهم وشأنهم ونفى المساواة بين أهل العلم والجهال. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، أي أن هذا مستحيل أن يستويان مثلا، فالعلم ليس كالجهل. يا الله عز وجل a dit dans son noble livre: dit sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Raisonnent ou réfléchissent ceux qui sont doués d'intelligence. Allah Azza wa Jal montre la grande valeur de la science, des gens de science et de leur degré élevé, et qu'ils ne peuvent en aucun cas être comparés aux ignorants. Dit, sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Bien sûr qu'ils ne sont pas égaux. C'est une question, une interrogation qui doit nous percuter. La réponse est flagrante. La science ne peut être comparée à l'ignorance, et le savant ne peut être comparé à l'ignorant. Comment comparer la lumière et les ténèbres? Cela ne peut pas avoir lieu. وليس غريبا أيضا أن الله عز وجل ذكر خشية أهل العلم وأنهم أهل الخشية الحقة، فهم الذين يخشون الله عز وجل حق خشيته. قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء رحم الله من مات منهم وحفظ لنا أحياءهم هم الذين تعبوا بطلب العلم حتى حصلوه، وأثناء تحصيلهم لهذا العلم عرفوا الله عز وجل، عرفوا أسماءه وصفاته، عرفوا عظمة الله عز وجل، فكبرت هيبة الله عز وجل في أنفسهم فخافوه بل خشعوه، لأن الخوف ليس الخشية، فالخشية قال العلماء أنها الخوف المقارن بالعلم، فالخشية هو الخوف المقارن بالعلم، أي أنك تعرف من تخافه، تعرف أنه رب العالمين وأنه قادر على أن يعذبك إلى أبد الآبدين. لذلك وصف الله عز وجل وصفهم بأنهم أخشى الناس لله سبحانه وتعالى، وهذا بسبب علمهم الذي تمكن في صدورهم. Également, en connaissant l'importance de la science, il n'est pas étrange qu'Allah Azza wa Jalla ait dit des savants que ce sont eux qui le craignent le plus. Il dit Azza wa Jalla, crains plus Allah les savants, ce sont eux qui craignent le plus Allah Azza wa Jalla. Il y a une différence entre la crainte et la peur. Tu peux avoir peur de quelque chose que tu ne connais pas. Mais lorsque tu crains avec science. C'est-à-dire que tu sais celui, ou tu connais celui dont tu as peur. Tu connais celui que tu redoutes. Et ainsi les savants et ceux qui ont la science, lors de leur apprentissage, qui ne s'arrêtent pas, l'apprentissage de la science religieuse ne s'arrête pour le musulman que lorsque la terre sera jetée sur lui, ou lorsque la terre le recouvrera dans sa tombe. Un musulman ne doit pas arrêter d'apprendre sa religion, car comme je l'ai dit, c'est un besoin de chaque instant. Les savants qui ont appris cette science ont connu Allah Azza wa Jal, ont pris conscience qu'Allah Azza wa Jal est plus grand que toute chose, qu'Allah Azza wa Jal est plus immense que toute chose, qu'Allah Azza wa Jal voit tout, qu'Allah Azza wa Jal entend tout, qu'Allah Azza wa Jal est connaisseur de toutes choses, que ces choses soient apparentes ou cachées, Allah Azza wa Jal en est parfaitement connaisseur. En connaissant leur Seigneur, eh bien, ils ont pris conscience de son immensité et l'ont donc redouté et cru et craint. وليس غريبا ايضا ان يشبه الله العالم بالبصير والجاهل بالاعمى وان يشبه العلم والايمان بالنور والجهل والكفر بالظلمات وأن ينفي المساواة بينهما كما نفى سبحانه وتعالى المساواة بين الظل الذي ينتفع به والحرور الذي يتضرر به. فقال عز وجل: مثل الفريقين كالأعمى والبصير، كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا أفلا تذكرون؟ وقال عز وجل: وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء، وما أنت بمسمع من في القبور. En connaissant l'importance de la science, il n'est donc pas étrange également qu'Allah subhanahu wa ta'ala est comparé ou a donné l'image du savant comme étant celui qui voit, et l'image de l'ignorant comme étant l'aveugle et le sourd. En connaissant l'importance de la science religieuse, il n'est pas étrange qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait comparé la science et la foi à la lumière, et l'ignorance et la mécréance aux ténèbres. Il n'est pas également étrange qu'Allah Azza wa Jal n'est pas mis sur le même piédestal la science et l'ignorance, et que la science et l'ignorance sont différents comme l'ombre et les endroits de forte chaleur sont différents. Les ombres, qui sont des endroits que les gens visent pour se rafraîchir, pour se protéger de la chaleur ardente, cela leur apporte du bien, les tranquillise. Quant à ces endroits frappés par la chaleur du soleil, elles ne font que causer de la gêne et voire des supplices pour les personnes qui s'y trouvent. Allah Azza wa Jalla a dit, les deux groupes ressemblent l'un à l'aveugle et au sourd, et l'autre à celui qui voit et entend. Le savant est comparé à celui qui voit et entend, et l'ignorant à celui qui est sourd et aveugle. Et il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, l'aveugle et le voyant sont-ils égaux? Ainsi que les ténèbres et la lumière, ainsi que les ombres et les endroits de forte chaleur, et est-ce que les vivants et les morts sont égaux? Allah Azza wa Jal fait entendre qui il veut, et il parle à son envoyé sallallahu alayhi wa sallam en lui disant, wa ma anta bi musmi'in man fil qubur, mais toi tu ne fais pas entendre ceux qui sont dans leur tombe. Autrement dit, ceux qui sont dans leur tombe n'entendent pas les paroles des vivants. Il n'y a qu'une chose qu'ils entendent, c'est le pas de ceux qui les quittent après les avoir enterrés. وليس غريبا ايضا ان يقرن الله عز وجل ذكر اهل العلم بذكر الملائكه عند شهادتهم بالوحدانيه لله عز وجل. فقال عز وجل: شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة وأولو العلم. فقارن الله عز وجل أهل العلم بالملائكة، الملائكة الذين خلقهم الله عز وجل لعبادته ولطاعته، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فهم من أفضل خلق الله سبحانه وتعالى. Et également, en connaissant l'importance de la science, il n'est pas étrange qu'Allah Azzawajal ait cité les savants et ceux qui ont la science dans le même contexte que les anges lorsqu'ils témoigneront de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah Azzawajal a témoigné de son unicité. Et les anges ont témoigné de l'unicité d'Allah Azza wa Jal, de même que les savants, eux aussi, seront témoins. Allah Azza wa Jal dit, Allah est témoin qu'il n'y a de vraie divinité qui ne mérite d'être adorée que lui, et les anges et les gens de science. Allah tabaraka wa ta'ala khataba nabiyahu alayhi salatu wa salam bi qawlih wa qur rabbi zidni ilma. وقل رب زدني علما. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: كفى بهذه الآية شرفا بالعلم أن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتزود من العلم. وقال غيره: لم يأمر الله نبيه أن يطلب الزيادة من شيء إلا من العلم. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بحاجة إلى غير العلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصيبه الجوع، وقد أخرجه الجوع يوما من بيته صلى الله عليه وسلم، وتقول إحدى زوجاته أنه تمر الهلال والهلال ولم توقد نار في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لم يطبخ فيه طعام، وإنما كان طعامهم الأسودان المال الماء والتمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا بحاجة إلى الطعام وإلى شيء من النفقة، لكن الله عز وجل فوق ذلك لم يأمره بأن يطلب الزيادة من شيء إلا من العلم. وهذا بيان أو بيانا لأهمية العلم وشرفه وفضله وعظيم منزلته عند الله سبحانه وتعالى. Et Allah Azza wa Jal s'est adressé à son envoyé sallallahu alayhi wa sallam en lui disant et dit: Seigneur, ajoute-moi de la science. Al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit: ce verset suffit pour montrer la noblesse de la science, à savoir qu'Allah Azza wa Jal a demandé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam d'invoquer son Seigneur ou de l'invoquer, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal, de lui accorder plus de science. Et d'autres savants ont dit qu'Allah Azza wa Jal n'a pas demandé l'ajout d'une chose autre que l'ajout de la science. Il n'a pas demandé à ses prophètes et envoyés de demander un surplus de quelque chose autre qu'un surplus de science. Alors que le prophète alayhi salatu wassalam était parfois nécessiteux et dans le besoin de manger et de boire. Le prophète alayhi salatu wassalam était pris souvent de faim. Il attachait une pierre à son ventre pour calmer la faim, sallallahu alayhi wa sallam. La faim l'a même fait sortir une fois de sa maison, alayhi salatu wassalam. Et lorsque, ou l'une de ses femmes a dit, il y avait des lunes et des lunes qui passaient et le feu n'était pas allumé dans la maison prophétique, dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'aucun repas n'y était préparé, cuisiné, cuit. Et elle a été questionnée, mais quel était alors votre aliment ou quelle était votre alimentation? Elle a répondu, c'était de l'eau et des dattes. Le prophète alayhi wa sallam était donc parfois dans le besoin de nourriture, mais au-dessus de cela, Allah Azza wa Jal ne lui a pas demandé « Demande-moi plus de pourvoyance, demande-moi plus d'argent. » Non, « Demande-moi de la science et plus de science. » Ceci pour montrer l'importance de celle-ci et sa grande place auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. وفضل العلم جاءت كذلك السنة ببيانه فالأحاديث كثيرة وكثيرة جدا في هذا الباب فقد روى أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العلم على العابد كفضلي على أدناكم ثم قال صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في حجرها وحتى الحيتان وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير وهو حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر بعض شراح الحديث أن ذكر الحيتان والنملة في هذا الحديث لأن العالم يعلم الناس أحكام الحيوان والعلماء يعلمون الناس ما يؤكل من الحيوان وما لا يؤكل منه وكذلك العلماء يعلمون الناس تحريم تعذيب الحيوان وأن الإسلام جاء بتحريم تعذيب الحيوان أن تكثر من الثقل هذا ممنوع شرعا وقد جاءت أحاديث كثيرة في هذا الباب تمنع تعذيب الحيوان لذلك لما قال الله عز وجل وهو يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يدخل في العالمين الحيوان وجاء الإسلام رحمة أيضا على الحيوان، وقد جاء بعير إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويبكي ويشتكي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى سجد أمامه، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام من صاحب هذا الجمل، فأرشده إلى أن لا يثقل عليه. وقد جاء أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث في الصحيحين، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن نملة قرصت نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله عز وجل إليه في أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح، أهلكت أمما من الأمم تسبح. Et les hadiths du prophète alayhi salat wa salam sont nombreux également, venant montrer les mérites de la science. Parmi ces hadiths, le hadith d'Abu Umamah al-Bahili radiyallahu anhu, qui dit que le prophète alayhi salat wa salam a dit: le mérite du savant par rapport à l'adorateur, c'est-à-dire à celui qui se contente d'adorer Allah azza wa jal sans apprendre sa religion, le mérite du savant et de l'adorateur sont comparables à mon mérite vis-à-vis du plus bas d'entre vous. Puis il a dit sallallahu alayhi wa sallam: Allah ainsi que ses anges, ainsi que les habitants des cieux et de la terre, même la fourmi dans sa fourmilière, même le poisson prie envers ou en faveur de celui qui enseigne le bien aux gens. Et le bien ici qui évolue, c'est bien sûr la science du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Et les savants qui ont expliqué ce hadith ont dit que le prophète alayhi salatu wa sallam a cité ici la fourmi et le poisson, car le savant enseigne aux gens les jugements concernant les animaux. Les savants enseignent aux gens les animaux qu'il est autorisé de consommer et ceux qu'il est interdit de consommer. Mais les savants également enseignent l'interdiction de porter atteinte, de châtier, d'offenser, de martyriser les animaux. Pour cela qu'Allah Azza wa Jal, lorsqu'il a dit en parlant à son prophète sallallahu alayhi wa sallam: nous t'avons envoyé que comme miséricorde pour les mondes, entre dans la parole d'Allah Azza wa Jal pour les mondes, les animaux. Et les hadiths du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam qui mettent en garde contre le fait d'offenser les animaux en les surchargeant ou en les frappant inutilement ou en les mutilant, que cela ne fait pas partie des comportements en islam. Un chameau est venu se plaindre au prophète alayhi salatu wassalam en pleurant et en se prosternant presque devant le prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam a compris que ce chameau était maltraité et a appelé le propriétaire de celui-ci en lui apprenant les bons comportements. Et selon Abu Huraira radiallahu anhu, il rapporte du prophète alayhi salatu wassalam, et le hadith est authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim, qu'une fourmi a mordu un prophète parmi les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a alors ordonné à ce que l'on retrouve la fourmilière et que l'on brûle l'ensemble des fourmis qui y sont contenues. Puis Allah Azza wa Jalla a révélé à ce prophète, et le prophète alayhi sallam n'a pas cité le nom de cet envoyé. Allah Azza wa Jalla a révélé à ce prophète en lui disant, parce que une fourmi t'a mordu, tu anéantis une communauté parmi les communautés qui glorifient Allah. Est-ce que à cause d'une fourmi, tu détruis une fourmilière entière, et les fourmis font partie des communautés parmi les communautés qui glorifient Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah azza wa jalla dit: وَإِن مِن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِحَهُمْ. Et toute chose glorifie la gloire, glorifie la louange d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais vous ne comprenez pas leur glorification. Toutes les créatures glorifient Allah subhanahu wa ta'ala, mais nous ne comprenons pas et nous ne saisissons pas ces façons de glorifier Allah subhanahu wa ta'ala. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن العلماء هم ورثة الأنبياء والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. فقال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. وذكر ابن القيم رحمه الله في شرح هذا الحديث وبخصوص قوله عليه الصلاة والسلام: وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، قال رحمه الله: فيه الفرق العظيم بين منزلة العالم المشبه بالقمر ليلة البدر ومنزلة العابد المشبه بالكواكب. ذلك أن نور الكواكب تضيء لا يضيء إلا على نفسه وعلى ما يقرب منه، أما القمر ليلة البدر فإنه يملأ الدنيا نورا، فكذلك العالم يملأ الناس علما ويملأ الناس خيرا. Et le prophète alayhi salatu wassalam a montré l'importance de la science. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam que la science est l'héritage des prophètes. Il dit sallallahu alayhi wa sallam: celui qui emprunte une voie dans laquelle il recherche la science, Allah azza wa jalla lui facilitera un chemin vers le paradis. Et les anges recouvrent de leurs ailes l'étudiant en sciences religieuses, et ceci en guise de satisfaction pour ce qu'il fait, et le savant demande pardon pour lui. Tous les habitants des cieux et de la terre, même le poisson dans le fin fond de l'océan, et le mérite du savant envers l'adorateur est comparable au mérite de la pleine lune vis-à-vis des autres étoiles. Et les savants sont les héritiers des prophètes, et les prophètes n'ont laissé d'héritage ni dirham, ni dinar, mais ils ont laissé comme héritage la science. Celui donc qui l'aura pris aura pris une chose immense. Et l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a expliqué ce hadith, et plus précisément la parole du prophète alayhi salatu wassalam: le mérite du savant est comparable au mérite de la pleine lune vis-à-vis des autres étoiles. Car l'étoile s'illumine elle-même ou illumine ce qui est très proche d'elle. Quant à la lumière de la lune, à la lumière de la pleine lune, elle remplit la terre tout entière de lumière. Ainsi, l'adorateur profite à lui-même et profite aux personnes qui lui sont proches. Quant au savant, eh bien, il profite à l'ensemble des gens en leur apprenant la science, en les conseillant, en les dirigeant, en leur montrant le vrai et en les mettant en garde contre le faux. Et le prophète alayhi salatu wassalam, dans un autre hadith qui est jugé bon par Cheikh l'Albani rahimahullah, Safwan ibn Assal radiyallahu anhu est venu vers le prophète alayhi salatu wassalam. Il raconte en disant: je suis parti voir le prophète alayhi salatu wassalam qui était accoudé sur son manteau rouge dans la mosquée. Et j'ai dit: ô envoyé d'Allah, je suis venu pour apprendre la science. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: bienvenue à celui qui apprend la science. Et il dit sallallahu alayhi wa sallam: celui qui apprend la science, les anges le recouvrent de leurs ailes. Puis ils montent les uns sur les autres jusqu'à arriver au premier ciel. Et ceci en guise de satisfaction pour ce qu'il fait. Les anges aiment la science. Les anges aiment ceux qui apprennent la science. Et ceux qui apprennent la science, les anges les recouvrent de leurs ailes, qui sont protectrices. Et ils veulent tous, ou beaucoup veulent recouvrir cet étudiant. Et ils montent les uns au-dessus des autres, jusqu'à arriver au premier ciel, comme l'a dit le prophète alayhi salatu والسلام. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن العلم أحد الخصال الثلاث التي تنفع المسلم ولو بعد موته. أقول عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها: وعلم ينتفع به. وعلم ينتفع به، فالعلم ينفع صاحبه ولو في قبره. Et la science fait aussi partie des choses qui profiteront aux musulmans même après sa mort. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: lorsque le fils d'Adam meurt, ses actes sont suspendus, sauf trois. Et il a cité parmi ces trois une science profitable. La science profitable profite donc aux morts, même s'il est dans sa tombe. ولعلنا نختصر ونذكر كلام السلف رحمهم الله تعالى. ومع أن الوقت لا يسمح لسرد ما أعدته، أكتفي بذكر مقارنة ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة. ذكر رحمه الله مقارنة بين العلم والمال. Et vu que le temps presse et ne permet pas de dire tout ce que l'on peut sur ce sujet immense, je vais citer les paroles de quelques salafs en raccourcissant ces paroles et en ne citant que celles de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dans son livre Miftah Dar al-Sa'ada, dans lequel il fait une comparaison entre la science et l'argent. Car l'être humain accourt vers les biens de cette vie d'ici-bas, Et comme l'a dit le prophète alayhi salatu wa salam, deux personnes ne seront jamais rassasiées, celui qui court après cette vie d'ici-bas et celui qui apprend la science. Celui qui apprend la science avec sincérité, il va goûter à la douceur de la science, à la saveur de la science, et ne sera jamais rassasié. Pour cela qu'il ne cessera d'apprendre jusqu'à ce que la mort ne vienne l'en empêcher. Et également celui qui accourt vers les biens de cette vie d'ici-bas, celui qui accourt vers l'argent, eh bien ne sera jamais rassasié. Comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam, si le fils d'Adam avait un fleuve d'or, il en espérerait un deuxième. Et il a dit sallallahu alayhi wasallam, il ne remplira le corps de l'être humain ou du fils d'Adam que la terre. C'est-à-dire, quel que soit l'argent que tu auras récolté dans cette vie d'ici-bas, quels que soient les efforts que tu auras déployés, eh bien sache que la fin sera la même pour tout le monde, à savoir que ton corps sera rempli de terre lorsque l'on te placera dans ta tombe. قال رحمه الله أن العلم ميراث الأنبياء والمال ميراث الملوك والأغنياء. Il dit رحمه الله que la science, premièrement que la science, c'est l'héritage des prophètes. Quant à l'argent, c'est l'héritage des rois et des riches. ثم قال أن العلم يحرس صاحبه وصاحب المال يحرس ماله. Deuxièmement, la science protège celui qui la détient. Quant aux riches, il protège son argent. ثالثا أن العلم يزداد بالبذل والعطاء والمال تذهبه النفقات عدا الصدقات. أين عدا الصدقات؟ Troisièmement, que la science augmente plus tu en donnes. Plus tu donnes de la science et plus celle-ci augmentera. Quant à l'argent, plus tu en donnes et plus il diminue. Et exception faite à cela, bien sûr, les aumônes, car le prophète alayhi salatu wa sallam a dit ma naqasa malun min sadaqa. L'argent ne baisse jamais à cause des aumônes. خامسا أو رابعا أن العلم يرافق صاحبه حتى في قبره والمال يفارقه بعد موته إلا صدقة جارية. Quatrièmement, la science accompagne celui qui la détient même dans sa tombe, et l'argent se sépare de la personne après sa mort, exception faite aux aumônes perpétuelles et continuelles qu'aura laissé derrière lui ce défunt. خامسا أن العلم يحكم على المال فالعلم حاكم والمال محكوم عليه. Cinquièmement, que la science juge l'argent. C'est-à-dire que c'est avec la science que tu sais que tel argent est licite et que tel argent est illicite. L'argent ou la science est donc le juge et l'argent est celui qui est jugé. سادسا أن المال يحصل للبر للبر والفاجر والمسلم والكافر أما العلم النافع فلا يحصل إلا للمؤمن أو فلا يحصل إلا للمؤمن. Sixièmement, que l'argent, le pervers ainsi que le pieux y ont accès. Le musulman ainsi que le non-musulman ont accès à l'argent. Quant à la science, n'y ont accès que les croyants. Pour cela qu'Allah Azza wa Jalla a dit وَاتَّقُوا اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ. Et craignez Allah et Allah vous enseignera. Pour bénéficier donc de la science religieuse, il faut être pieux. Pour cela que l'imam Shafi'i rahimahullah s'est plaint à son maître Waqi' en disant shakawtu ila waqi' su'a hifzi fa arshadani ila tarki al ma'asi wa qala inna al 'ilma nurun ونور الله لا يؤتى لعاصي. الإمام الشافعي رحمه الله s'est plaint à Waqi' en disant dans des vers: je me suis plaint à Waqi' du fait que j'ai du mal à apprendre par cœur, ma mémoire a diminué. Et il m'a alors conseillé de délaisser les péchés. Et il a dit: la science est une lumière, et Allah n'accorde pas sa lumière à celui qui lui désobéit. Sabi'an, anna al-ilm yahtaju ilayhi ahlu al-muluk wa man dunahum wa sahibu al-mal, anna al-alim yahtaju ilayhi أهل الملوك ومن دونهم وصاحب المال يحتاج إليه أهل العدم والحاجة. Septièmement, le savant ont besoin de lui les rois et les gouverneurs. Quant aux riches, qui a besoin de lui? Ce sont les pauvres et les démunis. ثم قال رحمه الله: إن صاحب المال قد يصبح معدوما فقيرا بين عشية أو ضحاها والعلم لا يخشى عليه الفقر إلا بتفريط صاحبه. Que celui qui détient de l'argent peut devenir pauvre du jour au lendemain. Et cela n'a pas besoin d'être démontré. Je suis même persuadé que chacun a dans son esprit un exemple concret. Des personnes qui étaient riches et du jour au lendemain sont devenues pauvres. Quant à la science, celui qui la détient ne craint pas la pauvreté. Pour cela que les savants disent que celui qui a la science, il est riche sans argent et il est fort sans soldat. Tasi'an, anna al-mal yad'u al-insan lid-dunya wal-'ilm yad'uhu li'ibadati rabbih. Huitièmement, l'argent appelle ou pousse l'être humain à cette vie d'ici-bas. Quant à la science, elle te pousse à adorer ton Seigneur. ثم قال رحمه الله أن العلم قدره وقيمته في ذاته أن العالم قدره وقيمته في ذاته أما الغني فقيمته في ماله. Regardez cette comparaison qu'a fait l'imam Ibn al-Qayyim رحمه الله. Et c'est là où on voit la finesse des savants et leur science qui leur permet d'extraire et de déduire des choses précieuses comme celle-ci. Il dit: et le savant, sa place, sa valeur réside en sa personne. Quant au riche, sa place et sa valeur résident dans son argent. Plus il est riche, et plus il sera respecté des gens. Mais les gens ne le respectent pas pour sa personne, mais pour son argent. Et le jour où il sera pauvre, le jour où il sera démuni, eh bien il verra comment les gens se détourneront de lui. ثم قال وبه أختم أن ما أطاع الله أحد قط إلا بالعلم وعامة من يعصيه إنما يعصيه بالمال. Et il dit rahimahullah, et c'est par cela que je terminerai, que personne n'obéit à Allah sauf par la science. Tous ceux qui obéissent à Allah azza wa jal lui obéissent par science. Quant à la majorité de ceux qui lui désobéissent, ils lui désobéissent par l'argent, par le fait de contracter des crédits interdits, comme le fait de donner des pots de vin, comme le fait de voler de l'argent, comme le fait d'usurper de l'argent, comme le fait d'emprunter de l'argent et de ne pas le rendre. La plupart de ceux qui désobéissent à Allah Azza wa Jal, eh bien tu verras qu'il y a derrière une raison financière. فالعلم أيضا أيها الإخوة في غاية الأهمية وبهذا العلم ينجو المسلم من الفتن ويعصم نفسه من الفتن ما ظهر منها وما بطن. La science religieuse est donc d'une extrême importance. C'est par celle-ci que tu apprends ta religion. C'est par celle-ci que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala. C'est par celle-ci que tu connais ton prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est grâce à celle-ci que tu pourras répondre aux questions des anges, Munkar et Nakir, dans ta tombe. C'est grâce à cette science que tu pourras différencier le vrai du faux. C'est donc grâce à cette science, ou c'est par cette science, que tu te protégeras. C'est la science qui protège de l'extrémisme. Il n'y a pas une arme plus redoutable pour combattre l'extrémisme que la science. Car la plupart de ceux qui sont égarés dans cette religion ont été égarés soit par des ambiguïtés ou soit par des envies. Et la science vient répondre aux ambiguïtés et vient éradiquer ces tentations. C'est par cette science que le musulman se prémunit. C'est par cette science que le musulman connaît les obstacles qui sont entre lui et l'arrivée au paradis. Et en connaissant ces obstacles, il saura les cerner. Il saura déterminer leur emplacement. Il saura les détourner et les contourner. La science est donc plus qu'utile. Elle est, pour l'être humain, aussi nécessaire que l'eau pour le poisson. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا لأن مقتضى العلم أيها الإخوة هو العمل مقتضى العلم هو العمل وأفضل عمل تقوم به هو أن تعبد الله عز وجل وحده لا شريك له وهذا ما سيشرحه لكم أخونا سفيان حفظه الله تعالى بعد صلاة الظهر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأعتذر إليكم على هذه الإطالة